Quatorzième chapitre. Deux héros. L'abbé Pomereux et Sabine accueillirent avec leur affabilité habituelle les ouvriers de Charenton. « Que voulez-vous, mes amis ? » leur dit Sulpice. « Parlez, je suis prêt à vous écouter, et si je puis vous être utile en quelque chose, vous pouvez compter sur moi comme vous auriez compté sur mon malheureux père. »« Excusez-nous, monsieur l'abbé !» dit le chef d'atelier des ciseleurs, de venir vous déranger chez vous et de forcer, pour ainsi dire, votre porte. Mais les circonstances sont graves. L'ennemi fait chaque jour de nouveaux progrès, et il ne faut pas perdre une minute quand il s'agit de prouver que l'on a du cœur. On placarde sur les murs des nouvelles qui nous donnent le frisson. À travers les phrases rassurantes de certains journaux, on devine des vérités terribles. Nous sommes des ignorants. Nous ne pouvons pas bien discerner le vrai du faux. À vous qui êtes notre conseiller, notre guide, nous venons demander votre avis. La France doit-elle être vaincue dans cette guerre sans merci? Et Paris sera-t-il assiégé? Je vous remercie d'avoir mis votre confiance en moi. Oui, les nouvelles sont graves. Presque chaque bataille est une défaite pour nos armes, et quel que soit le courage de nos malheureux soldats, ils devront succomber sous le nombre. Je veux encore espérer que la France viendra à bout de l'ennemi qui l'opprime, mais ce ne sera que plus tard, quand les Prussiens, arrivés au cœur même de notre patrie, seront harcelés de tous côtés. Il faut nous résigner au malheur qui nous frappe et nous préparer à supporter les horreurs d'un siège, car dans ma conviction, Paris sera assiégé. Qui le défendra puisque les soldats sont aux frontières ? « Les Parisiens ?» répondit Sulpice. « Allons, voilà le mot qu'il nous fallait, monsieur l'abbé, et nous savions que votre conseil serait dicté par l'honneur. Si les Parisiens doivent défendre leur ville, encore faut-il qu'ils sachent tenir un fusil. Nos camarades sont comme fous depuis hier. Ils ne songent qu'à se battre comme des bons et versent des larmes de rage en constatant leur impuissance. Voici notre idée. Avec la guerre, l'industrie est morte, ou du moins engourdie pour longtemps. Arrêtons les travaux d'art. Les fondeurs trouveront toujours à s'occuper, car il faut des canons, des obus, des wagons blindés. Ils serviront le pays en préparant les engins de guerre. Les autres, eh bien ma foi, les autres, ayant leur journée libre, apprendront au plus vite le métier de soldat. Nous nous réunirons tous, nous formerons un bataillon à part, un groupe de francs-tireurs, et nous ferons le serment de mourir jusqu'au dernier plutôt que de nous rendre. Mais si nous sommes prêts à mourir, nous ne voulons pas nous en aller sans régler nos comptes avec le bon Dieu. Aussi, si vous approuvez notre idée, monsieur l'abbé, nous venons vous demander d'être notre aumônier. Braves enfants, braves gens, fit Sulpice les larmes aux yeux en prenant les mains des travailleurs. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. J'accepte de tout cœur et de tout courage. Oui, ensemble nous dormirons sur le même sol. Ensemble nous recevrons le baptême du feu. Sabine s'avança de deux pas. « Et moi ? » dit-elle à son frère. « Crois-tu que je puisse rester inactive et inutile pendant que vous défendrez la patrie ? Toi, Sabine, tu vas te rendre à Charenton, rassurer les femmes des ouvriers, leur dire de ma part que leurs maris, quoiqu'ils ne travaillent pas, recevront le salaire habituel pendant la durée de la guerre. Puis, comme il faut prévoir les grandes épreuves à côté des devoirs austères, tu organiseras avec l'aide des plus intelligentes de ces femmes une ambulance dans les ateliers. C'est là que vous soignerez nos blessés chaque fois qu'il sera possible de les transporter jusqu'à Charenton. Multiplie-toi, ma chère sœur, pour l'amour de tous, puise largement dans la caisse paternelle. Jamais argent honnêtement gagné n'aura été mieux employé. Va, nous resterons toujours assez riches si nous parvenons à faire beaucoup de bien. « Ah, mademoiselle !» s'écria le chef des ciseleurs. « Nous nous battrons avec mille fois plus de courage quand nous aurons la certitude que, si une balle nous frappe, nous serons conduits à notre chère fabrique et soignés par vos mains délicates auprès de nos femmes et de nos enfants. »« Ne me remerciez pas, mes amis, » répliqua Sabine. « Nous payons la dette paternelle. La fortune dont nous jouissons fut gagnée par vous Il est bien juste qu'elles servent à votre soulagement. Les ouvriers et les patrons ne doivent former qu'une seule famille. Que pourrait la tête du maître s'il n'avait les bras de ses ouvriers pour réaliser ses pensées? À quoi serviraient les labeurs des ouvriers s'ils n'avaient pour les diriger la science d'un patron? Vous le savez, cette confraternité du travail fut toujours de règle dans notre usine. Même avant les épreuves qui nous accablent depuis quelques mois, votre grande famille nous fut toujours chère. Vos femmes et vos filles vont devenir nos sœurs. Nous adoptons vos enfants. Et si l'un de vous vient à tomber glorieusement sur le champ de bataille, si Dieu le rappelle à lui, il ne laissera pas d'orphelins abandonnés. La famille Pomerel les regardera comme les siens. Plus d'un ouvrier passa sa main sur ses yeux pour essuyer une larme, et l'abbé Sulpice reprit. « Il est entendu que je me charge de l'équipement de mes hommes. Ceux d'entre vous qui ont déjà été soldats apprendront l'exercice aux camarades. Rentrez chez vous, préparez vos femmes à vous voir partir bientôt. Dès demain, j'irai à l'usine et nous commencerons à apprendre notre nouveau métier. »« À demain, » répéta Sabine. Les ouvriers se retirèrent après avoir encore une fois exprimé leur reconnaissance à Sabine et à Sulpice. Les craintes de l'abbé Pomerel et du personnel de l'usine n'étaient que trop bien justifiées. Bientôt les mauvaises nouvelles se précipitèrent avec une épouvantable rapidité. Ce n'était pas assez des héroïques défaites de Forbach et de Reichshoffen. Bientôt l'on apprit que l'empereur, acculé dans Sedan, était obligé de capituler et de rendre son épée au roi de Prusse. Metz était bloqué, et l'ennemi, laissant derrière lui une imposante armée pour soutenir le siège de la ville héroïque, s'avançait lentement vers Paris, forçant par de petits combats successifs notre armée à se retirer sur Châlons, puis sur la capitale. L'abbé Pomerel avait dit vrai, il fallait que les Parisiens supportassent les horreurs d'un siège. Bientôt la grande ville fut investie. Alors commença cette glorieuse défense qui, malgré les résultats négatifs, restera pour Paris comme une des plus belles pages de son histoire. Pendant que les femmes préparaient des repas chaque jour moins confortables, les maris, le ventre creux, couraient aux remparts et tentaient ces sorties par petites masses qui mettaient en lumière le courage individuel, mais restaient forcément inutiles au point de vue du résultat final. Toujours nos braves soldats, mobiles ou francs-tireurs, se heurtaient à des troupes plus aguerries et plus nombreuses et étaient obligés de se replier sans avoir pu briser la ligne de fer qui entourait la capitale. Au premier rang des combattants, on voyait toujours les ouvriers de la fabrique de Charenton, qui avait pris le nom de tirailleurs de l'usine. À Châtillon, à Clamart, au Plessis-Piquet, ils firent des prodiges de valeur. Beaucoup restèrent sur le champ de bataille, soutenus à leur dernier moment par les exhortations de Sulpice. D'autres, moins éprouvés, purent être transportés jusqu'à l'ambulance de Sabine. Il était admirable de voir avec quel courage et quel dévouement elle soignait les malheureux blessés qui lui étaient amenés. Elle ne reculait devant aucune tâche, si ingrate, si répugnante fut-elle, et jamais, à coup sûr, elle n'avait été aussi heureuse que le jour où elle voyait ses soins couronnés de succès, où elle pouvait dire à la femme éplorée d'un des blessés « Votre mari est sauvé. Il va retourner auprès de vous et vous n'aurez plus qu'à attendre quelques jours pour qu'il soit tout à fait sur pied. » C'est surtout à la bataille de Buzenval que les ouvriers de l'abbé Pomerel se battirent en héros. Tous étaient là de combattre sans cesse pour reculer toujours. Cette fois, on leur avait promis un engagement décisif qui, si leur effort était couronné de succès, devait débloquer Paris. Ils savaient que le brave général Noël serait à leur tête et ils s'étaient juré de faire leur devoir jusqu'au bout. « En avons-nous lu ?» disait Blancadet. « De ces bulletins se terminant invariablement par ces mots, les troupes se sont repliées en bon ordre. L'occupation permanente des positions prises n'ayant pas paru nécessaire, la retraite s'est opérée avec le plus grand sang-froid. Eh bien, plus de retraite, plus de recul. En voilà assez de ces escarmouches d'enfants dont l'ennemi doit rire là-bas derrière ses bastions. Il faut en finir d'une façon ou d'une autre, et je jure bien que le jour où l'on m'aura désigné un but en me disant « en avant », j'irai en avant, sans me soucier d'un contre-ordre qui voudrait ensuite me forcer à reculer. » Il exprimait de la sorte la pensée de tous, et les vivats accueillaient ses courageuses paroles. Cette bataille de Buzenval fut presque le dernier effort de Paris agonisant. Nos soldats, parmi lesquels se trouvait l'élite de la population parisienne, y firent preuve d'une valeur peu commune. On savait l'ennemi embusqué derrière les murs du parc de la Malmaison. C'était un assaut à livrer, une brèche à faire. Il s'agirait de frapper de la pointe de l'arme blanche, de s'élancer la baïonnette en avant, d'abattre les uns d'une balle, de casser la tête aux autres à coups de crosse. Puis, ce point conquis, de descendre comme une avalanche jusqu'au gros des ennemis, de faire une trouée coûte que coûte, et de rompre enfin la ceinture de fer dans laquelle étouffait Paris. Oh, la belle, la vaillante, l'héroïque jeunesse! Comme en les voyant ce matin-là, ces soldats improvisés, déjà accoutumés à la dure vie des camps, on comprenait qu'ils seraient bien coupables, les chefs, qui ne sauraient utiliser tant de bravoure. Les roulements du tambour, le cliquetis des armes, le hennissement des chevaux, la vue des fusils, des cartouches, l'apparition du drapeau qui devait les conduire et qu'ils avaient à défendre, ranima le vieux héros de nos guerres d'Afrique et de Russie. Les cantinières allaient et venaient, le baril au côté, le sourire aux lèvres. À quelque distance, de grandes voitures, pavoisées de drapeaux blancs marqués d'une croix rouge, indiquaient que la Société internationale de secours était à son poste d'humanité. Parfois, un jeune homme entraînait un aumônier dans une partie déserte du campement, se jetait à ses genoux, recevait l'absolution de ses fautes et se relevait transfiguré par l'expression du plus sublime courage. On ne chantait pas. On ne riait pas. Quelques plaisanteries lancées par des loustiques des faubourgs retombaient sans écho. On attendait le signal du départ. Le général Noël paraît, passe rapidement la revue de ses hommes et crie « En avant !» Les roues des caissons grincent sur la route. Les drapeaux, les guidons flottent au vent et les soldats marchent d'un pas cadencé, hâtés par la soif de la lutte. Cette poignée de jeunes gens, car ils sont 1300 seulement, s'est juré de réaliser des prodiges. Durant la route, toute parole échangée est un serment de protection mutuelle en cas de péril. Il n'existe plus d'étrangers au moment de la bataille. On devient si vite frères au bord de la tombe. Enfin, la troupe du général Noël s'engagea dans le ravin de Saint-Conflent et se trouva en vue du parc de la Malmaison. Le général Berthaud rejoignit alors le général Noël. Il était environ 1 heure de l'après-midi. Tout à coup, l'artillerie ouvrit un feu formidable. Elle formait un vaste demi-cercle, allant de la station de Reuil à la ferme de Fouilleuse. Pendant 3 quarts d'heure, elle vomit sans relâche un feu terrible sur Buzenval, la Malmaison, Bougival et la Jonchère. Les soldats ne distinguèrent rien au milieu de cet ouragan de fer. L'odeur de la poudre les enivrait. L'infanterie inactive, aveuglée par la fumée de l'artillerie, ne voyait plus les positions qu'elle devait conquérir. Chacun d'eux avait hâte de voir cesser le feu pour prendre part à l'action. Enfin, sur un ordre du général Noël, nos tirailleurs s'élancèrent en avant, rampant sur le sol, se dissimulant dans les plis du terrain, s'effaçant contre les taillis et les murs, l'oreille aux aguets, l'arme chargée. Ils se rapprochaient de l'objectif à atteindre, la Malmaison. Les Prussiens remplissaient le parc et y avaient fait de gigantesques travaux de défense. Les murs crénelés abritaient des murs de combattants. De chaque ouverture, la mort pouvait venir, terrible, foudroyante, pour les soldats chargés d'enlever la situation. Le feu de l'artillerie occupait, il est vrai, l'ennemi et couvrait nos soldats tandis qu'ils exécutaient le plan du général Noël. Mais tout à coup, à un signal convenu, l'artillerie cessa instantanément son feu et nos troupes s'élancèrent avec un admirable entrain. Il leur fallut peu de temps pour gagner le ravin qui descend de l'étang de Saint-Cucufa au chemin de fer américain, en contournant la Malmaison. La gauche du général Noël dépassa le ravin avec un élan magnifique et gravit les pentes conduisant à la jonchère. Elle allait poursuivre sa route quand une formidable mousqueterie éclata à la fois des profondeurs du bois et de toutes les maisons. Les Prussiens s'y étaient installés malgré le feu de leur artillerie, et il fut impossible de braver tout cet orage de balles, de mitrailles et d'obus. Bientôt le signal de la retraite fut donné. Malgré les belles résolutions prises, il fallut s'incliner devant l'implacable nécessité, et cette fois encore, nos braves soldats durent rentrer dans Paris la rage au cœur. Bénédicte s'était battu avec ses amis. Il avait montré un courage surhumain, et à le voir courir toujours en avant, sans souci des balles qui sifflaient à ses oreilles, on aurait pu croire qu'il cherchait la mort. Et en réalité, bien que pour s'étourdir, il eût pris part aux folles orgies de ses camarades, depuis que Sabine l'avait repoussé, la plaie restait toujours saignante dans son cœur, et sans doute il eût accueilli avec joie le coup de baïonnette qui l'eût délivré des vains soucis de cette terre. Dieu ne voulut pas de lui. Dieu ne voulut pas que, blessé, il fût reconduit à l'ambulance de Sabine et que, soigné par elle, il pût vaincre ses résistances. Il rentra sain et sauf dans Paris et, comme tant d'autres, attendit la rage au cœur que, faute de pain, on se résigna à demander l'armistice et à capituler. Il arriva enfin ce jour si redouté où l'ennemi vainqueur passa sous l'arc triomphal des Champs-Élysées et vint occuper Paris. C'était fini. Braves ouvriers et courageux artistes durent déposer leurs armes, et pendant que le gouvernement traitait des conditions de la paix, les uns, les plus riches, couraient en province rejoindre leurs parents restés si longtemps sans nouvelles. Les autres, les moins fortunés, restaient dans Paris, le cœur aigri par tant de malheurs héroïquement supportés et restés sans effet. Déjà durant le siège, quelques tentatives de soulèvement s'étaient produites. On sentait sourdre dans les faubourgs une agitation qui menaçait de se transformer en révolution. Elle éclata bientôt, et après avoir supporté les horreurs d'un siège et les humiliations d'une capitulation, Paris dut encore assister à cette lutte fratricide qui annonce la Commune. Cependant, Sabine et l'abbé Pomerol continuaient la tâche qu'ils s'étaient imposée avec un désintéressement héroïque. Elle, soignant les malheureux blessés qui lui arrivaient de toutes parts, lui préparant à la mort ceux que Dieu rappelait. Xavier restait prisonnier. Du fond de sa cellule, il avait entendu la mitraille pleuvoir sur Paris. Ensuite, un grand apaisement s'était fait. L'armistice était signé. Maintenant, le bombardement recommençait et, sans souci de donner à l'ennemi le spectacle de leur dissentiment, il apprit par ses geôliers qu'après avoir combattu l'ennemi commun, les Français, ivres de carnage, se battaient entre eux. Quel jour, quelle nuit passa Mademoiselle Pomerol partagée entre les obligations multiples qu'elle avait accumulées autour d'elle et la douleur qu'elle cachait au fond de son âme. Parfois, quittant en hâte l'hôtel Pomerol, elle accourait à la prison de la Roquette voir son malheureux frère. Son âme n'avait point été amollie par la captivité. La condamnation qui l'atteignait en dépit de son innocence ne le jeta pas vaincu au pied de la croix. Après avoir maudit l'injustice des hommes, il maudissait l'injustice de Dieu. L'aumônier de la Roquette tenta vainement de l'apaiser, de le consoler. La vue seule d'une robe noire exaltait sa colère et, dans sa haine contre Sulpice, il jetait la même réprobation sur tous ceux qui portaient le même costume et lui parlaient du même sauveur. Trop peu chrétien pour comprendre le mystère dont la confession s'enveloppe, il eût voulu que Sulpice en eût trahi le secret à son profit, sans se rappeler que maintes fois il avait affirmé ne pas croire à la discrétion absolue du prêtre. Les visites de Sabine calmaient pour quelques instants la fièvre de son cerveau, mais il était bien rare que le souvenir de Sulpice ne vînt pas empoisonner cette heure de repos et d'épanchement. Alors il laissait échapper des phrases pleines de fiel et de haine et torturait à son tour la malheureuse enfant qui se sentait impuissante à le consoler. Loin d'essayer de se ployer sous le joug qui pesait sur lui, il évoquait sans cesse les images brillantes d'un passé évanoui. Sa pensée le transportait tantôt près d'une table de jeu où s'entassaient les billets et l'or, tantôt autour d'une table servie avec un luxe merveilleux. D'autres fois, il assistait à quelques-unes de ces représentations, dont les premières font courir le tout Paris élégant, où il entendait de sa stalle des voix harmonieuses lui interpréter Don Juan, la favorite ou la juive. Surexcité par ses souvenirs, une lugubre idée lui traversait alors le cerveau, le suicide. Il hésitait encore, non par grandeur d'âme, non par croyance, mais par lâcheté. La peur de la souffrance physique lui étreignait le cœur. Il avait le temps d'ailleurs, tant qu'on le laisserait à la roquette, la vie restait supportable. Mais le jour où il verrait que tout serait fini pour lui, le jour où on lui parlerait de départ pour la Nouvelle-Calédonie, il trouverait un moyen de mourir, en fût-il réduit à se briser le front contre les murailles. Depuis que les hommes sanglants de la Commune gouvernaient Paris, la situation de Xavier s'était adoucie. Les anciens gardiens avaient été congédiés. Ceux qui les remplaçaient, choisis dans la lie du peuple, se montraient indulgents pour les scélérats. Ils témoignaient moins de dureté pour un meurtrier que pour les pauvres prêtres arrachés de leurs églises. On sentait qu'au besoin, il était possible de compter sur ceux que la loi avait flétris. N'ayant rien à perdre, pas même leur vie, puisqu'elle était condamnée, ils se trouveraient prêts pour le pillage, le massacre ou l'incendie. Et dans la pensée de Ferré, d'Urbain et de leurs complices, ils trouveraient là l'appui qui leur serait nécessaire pour les tristes besognes de la dernière heure. Certes, Xavier, si bas qu'il fût tombé dans la vie, si bas surtout que l'eussent mis les juges qui l'avaient frappé, eût reculé devant un crime. Mais durant les heures de désordre, il est possible de tout espérer. Le jeune homme voyait la liberté dans l'excès des révoltes, des tueries, des sacrilèges. Il sonne dans ces crises terribles une heure où les escarpes, sans foi ni lieu, les meurtriers de profession, sont seuls à la hauteur du sinistre rôle qui leur est préparé. Sabine, chaque fois qu'elle venait le voir, lui racontait les événements qui se passaient au dehors. Un jour, le nom de Bénédicte vint aux lèvres de Xavier. « Ne me parle pas de lui, » répliqua Sabine. « Sans doute, comme les autres, il a fait son devoir, car son cœur est généreux. Mais je veux ignorer ce qu'il est devenu. Je veux achever de l'oublier. »« Et pourquoi l'oublierais-tu? N'est-il pas digne de toi ? Si, comme tu me l'as dit, il a foulé aux pieds ses anciens principes pour sacrifier aux idoles du jour, la faute n'en retombe-t-elle pas sur toi ? Et surtout sur Sulpice, dont le silence non seulement me tue, mais fait encore ton malheur et celui de notre ami, de celui que je considérais avec transport, comme devant bientôt devenir mon frère. Tais-toi, fit Sabine avec autorité. Ne parle pas pour les railler des choses saintes que tu as trop oubliées pour les comprendre. Je sacrifierai ma vie pour te rendre la liberté. Je refuserai mon bonheur au prix de la trahison de Sulpice envers son Dieu. Eh bien oui, nous sommes deux victimes. Mais les victimes d'une loi sublime qui s'appelle le devoir, et j'aime mieux, pour remplir le mien, endurer la douleur qui me poigne l'âme, que de m'en affranchir par son mépris. J'aimais Bénédicte de toute la sincérité de mon cœur. Depuis mon enfance, je m'étais accoutumée à le regarder comme faisant partie de la famille. Notre père comblait un vœu inavoué en me le donnant pour époux. Et cependant, Xavier, j'ai eu le courage de renoncer à lui, parce que je considérais comme un devoir de comprimer les élans de mon cœur. Ah, si tu savais quelle force on puise dans la foi, tu tomberais à genoux, quand ce ne serait que pour être consolé. Mais Sabine ne persuadait pas son frère, et ce regret s'ajoutait à tant d'autres regrets. Cependant, l'abbé Pomerol essayait de rendre à la fabrique de Charenton un peu de son ancienne activité. Ne fallait-il pas que les fabricants, les riches usiniers, donnassent l'exemple? Le peuple avait souffert. Il s'agissait de panser ses blessures. Seulement, ce fut le peuple qui ne voulut pas. Les canons de Montmartre furent saisis. les fusils destinés à la défense du pays servirent pour l'émeute, et mieux eût valu pour la capitale sentir peser sur elle la grosse botte de la Prusse que les pieds nus des sans-culottes de la commune. On se rappelle, hélas, ces nuits horribles pendant lesquelles le canon tonnait sans relâche. On se souvient de la marée montante du crime qui ne permettait plus à aucun honnête homme de se croire en sûreté. Chaque jour amenait sa lâcheté, son sacrilège, son pillage, son assassinat. L'embrasement de Paris ne venait plus de la guerre. Ce monstre irrité dont les membres sont rouges de sang, dont la main blessée agite encore un tronçon d'épée et qui, sans pitié pour les douleurs qu'elle cause, poursuit sa marche farouche, semblable aux déesses de l'Inde dont le char écrase sur le chemin qu'il parcourt des milliers de victimes. Le canon tonnait encore, mais ce n'étaient plus des soldats, des mobiles, des éclaireurs, des volontaires qui défendaient contre l'invasion la terre sacrée de la patrie. Une armée était bien campée autour de la capitale investie pour la seconde fois, mais Paris, mutilé, saignant, n'avait pas le temps de compter ses ruines. Chaque jour les doublait, les entassait. Les hordes qui se battaient dans Paris et défendaient l'entrée de la capitale aux soldats de l'armée régulière, c'était l'armée des fédérés de la commune. Le drapeau qu'ils suivaient, formé d'un haillon rouge, les conduisait au carnage comme au sacrilège. Paris, bombardé pour la seconde fois, n'avait plus même les consolations qui lui restaient durant le siège de Guillaume de Prusse. On spoliait les églises. Des orateurs de club prêchaient le mariage libre du haut de la chaire de vérité. Des misérables abolissaient la loi divine. On décrétait la suppression du culte. On arrachait le crucifix de la croix. Dans les temples, deux fois sanctifiés par la prière et par la charité, les églises, qui, séparées par un voile durant la guerre, servaient à la fois d'hôtel au Seigneur et d'ambulance pour les blessés, logeaient d'ignobles soldats du pillage, changeant en tabagie et en auberge l'asile inviolable de Dieu. Des femmes portant une ceinture rouge, les cheveux tombant dans un filet à mailles lâches, la sacoche de cuir au côté, circulaient au milieu de gens avinés, vomissant le blasphème. Devant certaines églises, on s'arrêtait surpris de voir d'immenses voitures de déménagement. On regardait inquiet, anxieux, et peu après, on voyait quelques délégués de la commune, aux costumes chamarrés d'or, escortés d'une troupe de brigands, pénétrer dans les sacristies, défoncer les armoires et présider au pillage. Les ornements brodés d'or traînaient sur les marches et le pavé. Les sectaires de la commune s'affublaient de la dalmatique des jeunes diacres. Les chandeliers d'argent, les crucifix processionnels résonnaient sur les marbres. La couronne des madones était remplacée par un bonnet rouge et les sacrilèges buvaient le rouge bord dans le calice de l'autel. Après avoir interdit aux Parisiens le droit de rester français en demeurant unis à la nation tout entière et à l'armée sa protection et sa gloire, on leur interdisait d'être chrétiens. L'ère de la liberté s'ouvrait par des proscriptions, le sang coulait dans les rues. Ces mêmes hommes, qui avaient publié de longs ouvrages sur la peine de mort, afin d'éviter aux assassins le désagrément d'être décapités, fusillaient sans jugement ceux qu'ils soupçonnaient de ne point partager leurs espérances et leur haine. Personne n'avait la liberté de se racheter du service de l'armée fédérée. Le jour, la nuit, les vengeurs de la commune fouillaient les maisons, arrachaient de leur logis les jeunes gens, les pères de famille, et les forçaient de se joindre à leur bande, la baïonnette dans les reins. S'ils résistaient, on leur logeait une balle dans la tête, et tout était dit. Les journaux populaires avaient inventé une langue à part, faite de jurements et de blasphèmes. L'épouvante se mêlait au dégoût, et l'écœurant dépassait encore l'effroi. Les Judas commençaient à marquer les portes des maisons condamnées. Chaque quartier avait ses délateurs. Les fournisseurs bien renseignés sur la valeur des mobiliers et le degré de richesse des appartements communiquaient aux frères et amis des détails précis sur ce qu'ils pouvaient voler dans chaque maison. Les caveaux des anciennes églises remplies de sépultures centenaires venaient d'être violés. Des voyous colportaient des gravures hideuses accompagnées de récits immondes racontant les prétendus drames dont avaient été victimes les morts dont on profanait les restes. Les couvents de religieuses, ouverts, disait-on, dans le but de rendre aux femmes la liberté, voyaient violer le saint mystère de leurs austérités et les purs secrets de leurs règles sévères. Novices et professes étaient à la fois chassés dans les rues, à l'heure même où l'on proclamait que le mariage civil consacrerait seul les unions et que le divorce était rétabli. Bientôt, ces fureurs stupides et lâches, ces blasphèmes, ces profanations, ces vols organisés, ces persécutions à domicile, ces feuilles de papier souillées de sang, de boue et de fange, que l'on appelait les journaux, ne suffirent plus à calmer les appétits sanguinaires des hommes de la commune. La haine de la religion devait amener la haine de ceux qui la représentaient. Le sang ne coulant pas assez vite, on voulut des exécutions rapides, foudroyantes. On arrêta des otages, on les prit à la fois dans le clergé et dans la magistrature. Les prêtres, les religieux furent amenés devant des hommes qui s'étaient donnés à eux-mêmes le titre de juge et ensuite transférés à la roquette devenue un prétoire. Il faut le dire à la grande louange du clergé de Paris, il se montra à la hauteur de la persécution et du martyre. Fidèle à son poste de dévouement, il continua à célébrer les offices, s'exposant à être massacré au pied des autels que, le soir, les fédérés souillaient de leurs débauches. Il continuait à visiter les malades, à instruire les enfants, à administrer les sacrements, et chaque prêtre de Paris, se disant qu'il n'était pas plus que son pasteur, s'attendait à partager le sort de l'archevêque de Paris, prisonnier à Mazas. Sabine ne connaissait plus le repos. Elle tremblait à chaque heure pour la liberté de Sulpice. Le jeune prêtre ne voulait pas même faire à l'émeute la concession de porter des habits laïques. Il persistait, comme jadis, à officier dans les églises, et s'il n'osait demander le martyre à Dieu, il était du moins résigné à le subir, et l'attendait la tête haute, fort de sa conscience.